Yamokolo. Ba invité to zoma na bamote. Mais ba invité Bazali. Bazali. Chobalara kozala awa. Titi le valeur kozala bonne forme. Ba kimi nga obebe. Na moni lokola ba kimi yo. Amen. Te ba kimi te. Il faut dire que le valeur kozala kata sala wa te. A kimi. Mais Jobalar à lobby yé akoya na juillet. Oh. Le Titi le Valois. Titi le Valois. Abeti Sap. Oza. Oza junior, Golte junior na. Na yebo Golte. Oui, Olingi Kolba Mouke. Ouais, les Kamou Mouke là. C'est pas les trop. Petit grand frère Lelo a outi ko prouvé. Na kisa sa mobimba disons na Zaïre quoi. Rentrer sur scène na yebiso ba to salaka yango pelé madi na didi kinoani na yebite so ko lobe nango. Mais c'est pour la forme to lobe la soute. Alors tozo préparé ka ba jubilé. Donc on est na Zalia wa. Bozela. Pardon, bozo kanan. Tozo préparé jubilé année prochaine mais si ko na nenga na Zalia wa. Bango ti ma junior yali. Bamachou de Yali, Tokyo Kumanga et Empire Songa et Yali, okay. Chaussettes à Cachemire. Ok. Bon, merci. Vous mettrez quand même un bon mot. Ok, merci. Alors, Jobalar, à Koya, en mois de juillet. À Koya, en mois de juillet, à l'objet, à Koya, pour écraser Binoyon, surtout. Ah! Faut que tu aies un petit technique, hein? Oui, Naliga. Comme moi, forme, je suis sur Kala. Nakata, la maman Gabi. Autour de la même forme, je suis sur le bandana, on a pas coiffe, banil, banil, aller, ou non? Y'a solo. Donc, elle diminue à ti. Et comment vous soyez dansé? Ben, Naliga qui, le cola yosa, leader, y'a pas jeune. Y'a pas jeune. Donc, on a ça à cheval entre 3e génération et 4e génération. On a un leader dans le côté son Yassika, un nouveau son à la musique zaïroise. Bien. Nalingi, on va présenter Bisso. Moi, invité Nabisso et à Mouké, à Bandaki, le cola, ceux qui disent à Bandaki. Azali, comme à Mouké Mouké. Nalingi, on va présenter Bisso. Yé. À quoi y'a un bâté, mais qu'à si, on va présenter Nanoye. Alors, Tchoka Taps. Mais vieux, il faut que tu saches, bah. Jeunesse montante que Joka Taps Bisso ba malankampe ba ya mukolo totanga tozo sala ndule me tozo na ba bac ba diplôme d'état ils en a parlé alors ba petit na Bisso faut ba tamba ba pe ba zo sala ndule na sepela ki trop na landa ki Joka Taps na TV azo bo ka mbaka ezangi bien azo donc français bena ya bien alors Joka Taps yo ba betle quand même maboko. OK, Joka Taps. Nakanisi, au lobaki na ba téléspectateurs, au lakaki bango ke oko yemba. Mais nano banzembo e komi prêté, au bimsa disque mukoloni. Dans un mois de juin prochain, disque vous avez déjà sur le marché. Au bandi na télévision au zaki muke, au lakaki na mbula bonne. Na 14 ans. Siko yo komi. Na 19 ans. Mais il semblerait que tu aies abandonné tes études. Non, moi, les études ne me déplaisent pas. Je dois poursuivre ma scolarité. Joka Taps, je le deviens quand je monte sur scène. Je ne suis pas Joka Taps dans la vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu es dans la vie? Dans la vie, je suis comme toute autre personne. Eh bien, si, c'est très charmant, très, très sympathique. Voilà, c'est là qu'il faut retrouver que Joka Taps attend à voir qu'il m'a moqué à Poboyo. Mais ceux qui n'ont pas dit, elle, le coton, il y a un robot. N'a pas dit, elle chante aussi. À Télémy danser. Dis, dans le lobby, à l'ingabo, à la nîmes. Alors, bah, moi, français, mon défaut, Joka Taps, ça va se dire. Bon. Donne-nous une petite description de ce que tu portes. Vraiment, ce soir, je suis très content. Très, très content. Très, très content. OK, merci Lingui. Bien, merci Joka Taps. Merci. Yamokolo. Yamokolo. Titre nini okopesa biso sikoyo? Sikoyo toza na troisième partie ya spectacle. Tozali bongo sikoyo na bisina. Tozo continuer ti lokola bakonzi ya la voix d'Israël bazali awa. Tokokoba tse kokoba. Eh bien, c'est parti avec Abyssina. Thank you.